Voilà, vous voyez, quand on commence à parler de Giordano Bruno, on ne s'arrête jamais de parler de Giordano Bruno. Merci beaucoup Yves Versant, merci Jean-Pierre Bibring. La Bibliothèque des Sciences, évidemment, vous pouvez la retrouver sur franceculture.fr comme toutes les émissions. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, c'était Jacques Azubert aujourd'hui à la technique. Un mot pour vous dire que demain, c'est une journée spéciale toute la journée sur l'antenne de France Culture puisque nous diffusons le forum qui a été enregistré samedi dernier à la Sorbonne autour de la thématique sexe et pouvoir. Vous en entendrez dans l'histoire, en philo, en écho. Et pour nous en sciences, il sera question du dimorphisme sexuel, ce qui distingue la femelle du mâle Homo sapiens, entre autres, mais pas que, sur le plan génétique, physiologique et anthropologique, en compagnie d'Yves Coppens, de Edith Heard et de Pierre-Henri Gouillon. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.